Bébé, je suis un loto, mon cœur est un glaçon. Et pour le réchauffer, c'est pas l'amour, mais l'orgueil. T'en fais que devant les paques, ma gueule. Je fais ce qui m'a baisé, police. Même si on est déjà maudit, je n'attends pas le bel avenir. J'attends que mes armées sortent en conduit. Comportement de Boudem, Javi Ragazzi. Comportement de Boudem, Javi Ragazzi. J'ai un pied dans le din et l'autre pied dans la. J'ai une main sur le cœur et l'autre main sur une. J'ai mis une idée noire, j'ai peur de Dieu, j'en fais des cauchemars. J'ai tant qu'un rêve dans la mort. Et cojones, on calise pas. On va tous pêcher comme El Chapo. Ralas, ralas, on fait la peau. Frigo vide, mal au bide. Depuis tout petit, sur le bitume, on se fait des crocs. J'ai peur de Dieu, pas de l'homme. Vaillant depuis même. J'suis venu en France sans faf. Faut que j'repasse avec l'ensemble. Pour prendre mon honneur, faudrait prendre mon âme aussi. J'annonce la couleur. Comme j'aime Hachmi. J'ai vu des frères s'entretuer. D'un regard cette vie d'un autre comme un Wojiwa. Déterminé, déterminé. La tournée qu'un vulgaire détail dans mon banque espoir. Aïe, aïe, aïe. Dans mon banque espoir. J'protège la mythe comme Corleone. Vitesse jusqu'à la mort comme Limon. J'suis un loup avec les loups. Avec les putes mal dominants. J'protège la mythe comme Corleone. Vitesse jusqu'à la mort comme Limon. Avec les buts mal dominants. Yeah. J'suis avec Pachinga en bas du pat. On élabore un plan gant pour leur faire du sac. Yeah. Bubble what harash down. VLG gang, VLG gang. Smoking room. Whisca jet. T'es ready or not? Whisca jet. Est-ce que t'es ready or not? Où est-ce qu'il y a plein? Mon croyant réussir. On l'a taillé, on l'a vissé. Les démons mènent la danse et tu connais la colère. Nerveux comme le temps, descendant de Boudjahed. Je vais t'enterrer vivant si tu touches à la daronne. Derrière les barreaux, les frères bientôt libérables. Y'a que les SS qui resteront pour se la foutre dans le trou. Plus on boycott, plus je vais les baiser.